pantalon, mes ongles sont déjà trop longs sur ma chemise, il manque un bouton, il y en a un sur mon menton. Le talon de ton soulier est brisé, ta jupe fendue laisse voir un bas filé, le rouge de tes lèvres est un peu barbouillé, ton rimel commence juste à couler, décidément nous ne serons jamais prêts pour les couvertures en papier glacé. C'est toi avec ta manie de vouloir toujours en public t'afficher. Tu es décoiffé par le vent, ton décolleté n'est pas très affriolant, mais ton chemisier est si transparent que ça en devient émouvant. Et mon langage ampoulé, ma démarche un peu forcé, ton regard un peu gêné, ton allure un peu fané, décidément nous ne serons jamais prêts pour les couvertures en papier glacé. C'est toi avec ta manie de vouloir toujours en public t'afficher. Jardins par le soleil, brûler mes châteaux en papier mâché. Mais avec les années qui passent, nous n'avons plus peur de la glace, nous regardons la vie en face, nos angoisses sont. C'est face, finalement nous sommes enfin prêts pour les couvertures en papier glacé. Même si ta manie de vouloir toujours en public t'afficher est passée. Finalement nous sommes enfin prêts pour les couvertures en papier glacé. Même si ta manie de vouloir toujours